Et, ah, voilà, oui, c'est mieux comme ça. Forcément. Bonjour tout le monde, comment ça va? Comment vous allez aujourd'hui en ce deuxième stream de l'année et de tous les temps? Moi, je me prends un petit thé, j'ai pas eu le temps de le finir. Hop, je vais mettre un peu plus fort la musique, pareil. Ça va, ça va. Fait une bonne nuit. Avec le feu dans le poêle à bois. La chance. Et moi, je suis bloqué ici pendant 3 h 30 à faire des bêtises. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez bien. Ça a l'air pas mal tout ça. Bon, et voilà, on est parti pour un deuxième stream. Je baisse un poil. Si vous avez aimé les chansons que vous avez entendues, ben hop, vous tapez point d'exclamation lien, par exemple. Et normalement, ça fonctionne. Ça fonctionne, on est dans le futur. Bienvenue donc sur cette deuxième épisode de Badoum. C'était 06, aujourd'hui on va tenter un Badoum 03, puisque la dernière fois on a fait une chanson à 3 heures. Et donc cette fois-ci aussi, voilà, puisque je pensais pas qu'on allait faire une chanson en 3 heures la dernière fois, je me suis dit que j'allais appeler ça Badoum 06, mais si on fait en 3 heures, on va appeler ça Badoum 03. Et donc aujourd'hui, on va tenter de le faire en 3 heures seulement. Vous le voyez en bas là, en bas ici, le timer est à 3 heures. Donc on va se faire 3 heures de. Une chanson en 3 heures, comme d'habitude, 3 contraintes, une contrainte d'accord, une contrainte de technique et une contrainte de contexte qu'on va tirer au sort. Il y en a qui vont demander comment tirer au sort, d'où sortaient les contraintes. C'est simplement moi et avec des copains, des copines qui les avons créées. L'intérêt, c'est pas tant la contrainte en elle-même que la superposition des trois contraintes, les unes avec les autres, qui donnent un peu n'importe quoi. Comme la dernière fois, on a dû faire une chanson qui parlait de tueur en série, sauf qu'on est tombé sur des accords beaucoup trop joyeux pour ça. Et du coup, on a fait une chanson de Noël de tueur en série et c'était fort rigolo. Et d'ailleurs, j'ai mis la chanson sur les réseaux, sur Spotify. J'ai vérifié ce matin, ça n'y était pas encore. Par contre, c'est déjà sur YouTube. C'est déjà sur YouTube. Sur Apple, je sais pas. Peut-être que si tu as envie de vérifier, si tu as 2 secondes, voir si elle est sur Apple, je ne sais pas. En tout cas, dans quelques jours, elle sera à peu près partout. Vous pouvez chercher Ilargui. La chanson s'appelle Le bruit de tes cloches. Et c'est une chanson de Noël de tueur en série. Voilà. Je ne sais pas quand je dis plus. Je suis en train toujours de batailler avec ce câble de casque. C'est dans les liens de Linktree la chanson de la dernière fois. Pas encore, parce que j'attends qu'elle soit au moins sur Spotify pour pouvoir la partager partout. Mais normalement dans quelques jours, effectivement, dans les liens, je vais rajouter un onglet, un bouton pour accéder à cette chanson-là. Et sur YouTube, elle y est, oui. Sur YouTube, vous tapez Ilargui avec un H au début. Le bruit de tes cloches est lié, effectivement. Donc voilà, aujourd'hui encore, on va tenter de se faire une chanson en 3 heures cette fois. Enfin, comme la dernière fois, c'était pas prévu. Non, mais le lien dans le Linktree. Non, non, pas encore. Mais je vais essayer de mettre un seul lien qui va aller à toutes les chansons sur toutes les plateformes. Je crois que c'est possible, quelque chose comme ça. Donc, on va voir. Mais pour l'instant, vous pouvez juste taper sur YouTube, tranquillou. Ou regarder le live qui lui est en rediffusion sur Spotify, YouTube et sur Twitch. Sur Twitch, intéressant parce qu'il y a le chat en plus qui redéfile. Parce que comme vous voyez, j'ai pas vraiment la place de mettre le chat dans le cadre, malheureusement. Donc voilà, pas encore sur Apple Music, me dit Seb. Ça viendra bientôt, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui donc, on va tenter de se faire un morceau en 3 heures et on va tirer au sort les contraintes comme d'habitude. Et c'est parti, on va commencer avec les accords. On mélange un peu. Et on va voir ce que ça va donner. Clic, clac. Bien du bruit, bien ASMR. Alors, cette fois, on a les accords Doyana. Oyana, qui était la chanteuse d'ailleurs dans le clip que vous avez pu voir lundi, c'était elle qui chantait, on est d'accord. Ré dièse, Ré mineur, Sol dièse, Do. Je ne sais pas si on le voit bien. Hop, c'est ce Do là qu'il faut bouger. Alors, je vais noter ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on a ? Ré dièse. Ré mineur. Sol dièse. Do. Ok. Et ça donne quoi ça ? Alors, Ré dièse. Hop, je coupe la musique. Et on va prendre le petit Billy. Et on va voir ce que ça donne. Hop, on va le mettre là. Ré dièse, Ré mineur, Sol dièse, Do. Ça donne quelque chose comme ça. Hashtag, ouais. Mais nous, tu sais, nous les musiciens, on a notre propre code linguistique, quoi. Nous, on fait pas comme les autres. Donc, nous, on dit dièse. Donc, hop, ça. Ça vous a plu ? Tant mieux. Hop, je vais couper ça. Donc, les accords, on les a. Maintenant, on va passer à la technique. Il va falloir que j'intègre une technique particulière. On va voir ce que c'est. Toi, tu vas aller là-bas. La technique, ça va être... ASMR de pot ouvert. Sans percussion, oula, d'accord, donc va falloir que toute la rythmique passe par des instruments. Donc on n'aura pas de percussion aujourd'hui, pas de batterie, pas de batterie sur tout ça. Sans percussion. Sans percussion et hop, toi tu vas aller là, et ce casque est vraiment, il m'emmerde. Faut que je trouve une rallonge. Et donc le contexte, c'est-à-dire dans quel contexte. Pourquoi est-ce qu'on on créerait cette chanson potentiellement? La dernière fois, c'était pour un slasher, quoi. Pour le coup, c'est parti en slasher de Noël à cause des accords. Mais voilà. Hop, petite pause là. Et le contexte, ça va être pantalon tartan et capsule. Donc on va faire du punk, du ska punk même. Le pantalon tartan, c'est le, vous savez, l'espèce de pantalon à motif de kilt. Alors, juste tartan, tartan et capsule. Donc a priori, à moins que vous avez autre chose, mais on partirait sur du ska punk, mais on n'a pas droit, aux percus. vraiment, mais on se tire une balle dans le pied à chaque fois. Comment on va faire ça ? Comment est-ce qu'on va faire ça? Ben on verra bien. Allez, c'est parti. On a 3 heures pour créer une chanson de ska punk sans percussion avec les accords qu'on a vus là. Merci Rabi. Oula, je dis tout? Allez, je dis tout. Rabi 61201200128. Merci beaucoup d'avoir suivi et j'en profite pour remercier, je pense que ça se dit Natropic, qui m'a suivi il y a 18 heures, donc complètement hors ligne. Merci beaucoup. Donc voilà, vous voyez, si vous venez de nous rejoindre, les trois contextes ici, les accords, c'est ça, je vais vous le refaire. J'ai pas de percussion et tartan et capsule. A priori, ça serait du ska punk, à moins que vous ayez une autre idée. ça m'arrangerait que vous ayez une autre idée, mais bon, c'est le jeu, hein, on va essayer de faire quelque chose. Donc ça veut dire que toute la rythmique, il va falloir qu'elle passe par les instruments et non pas par les percussions. Allez, c'est parti. Alors, on va déjà se rejouer. Ah, putain de casque. On va se rejouer les accords déjà. Hop, toi tu sors. Et toi tu rentres. D'accord, c'est Ré dièse, Ré mineur, Sol, Do. Ouais, c'était pantalon tartan. J'ai pas mis pantalon dans le truc parce que j'avais peur. Tu veux que je le mette? Je le mets si tu veux. S'il y a que ça pour te faire plaisir. La contrainte c'était pantalon tartan, effectivement. J'avais peur que ce soit un peu long. Hop, comme ça. C'est bien, comme ça, c'est mieux. Est-ce qu'on voit quand même? Oui, on voit quand même. Un pantalon tartan. Que je suis nouille! Hop, pantalon tartan et capsule. Donc plutôt ska punk. Artan. Comme Sylvie Artan. Allez, voilà, ça c'était la blague du jour. Elle est gratuite. Donc on a dit Ré dièse, Ré mineur, Sol dièse, Do. Pas facile, hein? Pas facile pour faire du punk. Ils font un truc dans le ska punk. C'est-à-dire qu'ils font pas les quatre accords de la même durée. Alors, non, je vais reprendre ça quand même. Quelque chose. Alors, c'est mettre une guitare. On va se mettre une guitare un peu plus rock'n'roll. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. On va mettre une guitare rock pour voir ce que ça peut donner. Une guitare rig, voilà. Je suis pas hyper confiant, hein, pour ce truc-là, je vous cache pas. Faire du ska punk sans percussion, ça va être chaud. Style, est-ce qu'il y a punk? Il n'y a pas punk. Il y a pop, gna gna gna, metal, classique rock. Vas-y, on va voir qu'est-ce qu'ils ont en metal. Peut-être en classique rock. Malcolm Young. Je ne sais pas. Le son est pas mal. Alors là, évidemment, vous entendez le retour du micro, mais si j'avais le micro, le son n'est pas dégueu. Parce que du coup dans simulateur de guitare, d'ampli de guitare, il y a plein de sons prédéfinis. Et donc là le Ram Wants, donc c'est celui, j'imagine, des Ramones. Donc on va partir sur ça pour un truc un peu punk. « faire un truc comme ça, un peu rapide, histoire qu'il, qu'il y ait du rythme, parce que ska punk. je préférerais le chanter en espagnol. Ça serait, est-ce que ça serait tricher chanter en espagnol pour se la jouer un peu scapé quoi. Pas se mentir, c'est un peu la ref. Ça va finir en Badum 12. Ouais, putain, là c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Je vois qu'on est de plus en plus trop cool. C'est super cool. Merci à tous ceux, celles qui nous rejoignent. Voilà, la grosse difficulté, c'est que c'est ça, c'est le pantalon tartan et capsule. Ça veut dire ska punk. Enfin, la difficulté, c'est ça et ça ensemble. Ska punk sans percussion. En basque, oui, en basque, on peut le faire. C'est vrai que bon, c'est parce qu'il manque du ska de merde en basque. Allez, on le fera gratos, je vous le donne, celui-là. Un truc comme ça, ça peut le faire en vrai. Je pense. Avec des trompettes qui feraient, enfin des cuivres qui feraient la rythmique, tout comme ça. C'est arrivé avec la gratte en jouant les E du temps, ça fait 13K. Ouais, c'est ça que je veux faire. Comment tu dis les E sont avant? Donc ça fait 1, 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc comment tu fais 1 et 2 et 3 et 4. Après, le E d'après 1, 2 et 3 et 4 et 1. Non, c'est pour ça. Avant. J'arrive pas, c'est dingue. Si je me mets un clic, peut-être que ça va aller mieux. Alors de la table. Hop, ça donne. Là, je suis parti, sans le vouloir, je suis parti en valse, et en vrai c'est pas mal de faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ah, j'arrive pas à le faire ton E là. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, on va mettre à 75, voir ce que ça donne. Bon, 75 x 2 ça fait 150. Non, c'est pas ça. Ça fait 125. Comme ça, je sais pas, tu joues les tchak de poum tchak poum tchak poum tchak à la croche. T'as un exemple de morceau en tête, c'est le jack, ouais, t'es, ça peut m'aider. Salut Daisuke, j'ai vu que t'étais là. Toujours à se faire au boulot, oui. C'est bien, ça, il faut le travail, la valeur travail, c'est bien, c'est bien, c'est très bien. Non, je l'ai pas tant. Je l'ai pas tant ton truc, Seb. Attends, je cherche de ska, de schkapé, ouais. C'est avant ou c'est après, en fait, le changement normal? Avant le 1 de l'accord suivant ou après le 1? Donc 1, 2, 3, 4. C'est ça que je comprends, que j'ai plus en tête. Oublie la rythmique, tu joues là, la gratte, t'es juste contente, t'es temps et tu joues. Attends, quoi? Oublie la rythmique que tu joues là, la gratte, et juste contente-toi, j'imagine. Contente-toi des temps et tu jouais les. T'écris ton dictaphone là, non, Seb? Ça se voit un peu. Il est pas top ton dictaphone. Compte tes temps, ben je compte mes temps. Mais si je pars en valse. 1 et 2, 1 et 2, 1 et 2, et 3 et 4 et 1, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. Tout comme ça? 1 et 3 et 4 et 1. Ah! 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2. maintenant juste faire les et. Non mais d'accord, mais je fais le changement dans quel et. C'est ça le problème. Ah, toi tu veux faire du reggae quoi. Ça. Merde. Ok, truc comme ça quoi. Et en même temps, c'est vrai que ils utilisent beaucoup ce genre de truc dans le ska, dans le ska punk. Les et tu les joues en relevant le médiator de bas en haut. Bref, je dois filer, d'accord. Bon, tu nous laisses avec une grosse patate chaude quand même là. Comme ça, ouais, ça peut être pas mal. Tu sais quoi, je vais commencer à l'enregistrer ce truc là. Clac, ici, avec ce son. Et on va voir ça après comme ça. Hop, allez, c'est parti. Non, ça pas du tout. Bon, du coup, je reviens à un 4-4 classique. Non, c'est pas ça l'idée. On va mettre à 174. À tout à l'heure, Seb. Si c'est pour souper, c'est pas la peine, hein. Du coup, si je dis pas de bêtises, ça dégage, ça dégage, et on a quelque chose comme ça. Du coup, ok, donc on a ça, on a les accords, on a le côté un peu reggae. J'ai rebaissé un peu mon micro parce que ça captait beaucoup, beaucoup trop de son. Écoute, Abolition, d'échappé, mais je peux pas écouter là, tu crois que j'ai le temps de faire ça, mais je peux pas diffuser des choses qui ne m'appartiennent pas. Donc on va partir sur ça, allez, on va dire qu'on part sur ça. Il est un peu compliqué celui-là, on va pas se mentir. Pas de percu, c'est chaud, hein. C'est méga chaud, pas de percu. Là, qu'est-ce que j'avais là? Là, j'ai guitare punk. Là, j'ai Billy punk. Percu au cuir, ouais. Percu au cuir, comment faire des percus au cuir? Bon, tu sais quoi, on va juste mettre des cuirs déjà. Hop. Combien de temps ça dure ça? Ça dure 16. Ça dure 16, donc 8. Hop. Et on va se mettre juste les accords. Voilà. Juste les accords, tranquille. Donc on a dit ré dièse. Donc là, on va chercher notre ré, c'est D dièse. Donc c'est un majeur 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Et on va faire ça. Ré dièse, ré mineur. Donc je le descends en ré et je baisse la tierce. Sol dièse. Donc je vais chercher mon sol, c'est-à-dire G. Et je le... Ah non, c'est sol dièse, pardon. Hop. Et je remonte ma tierce parce qu'il est majeur. Et on finit par un Do. Do, C. Allez, un C. Hop, on va lui mettre des cuivres. À lui. Paf, contact. Un. Bon, j'ai pas l'ordi le plus dingo du monde non plus, hein. On fait avec les moyens du bord. Cuivre, cuivre, cuivre, cuivre, cuivre, cuivre. Ça. Non, normalement, c'est des cuivres de. C'est des cuivres d'orchestre. Voilà, ensemble trompette. On va chercher ça. On va charger l'ensemble trompette et puis on va voir ce que ça donne. Mais ouais, faire du scapunk sans percu, ça va être chaud. Ça va être chaud, mais si on part sur un truc un peu folle, quoi, t'sais, la chanson de fin d'album qui rend hommage aux victimes du capitalisme, par exemple. Un truc comme ça peut être pas mal, je pense. Donc on va laisser charger. Hop, c'est chargé. C'est chargé, donc on va voir ce que ça donne. Un peu trop bas peut-être lui pour être honnête. Voilà. Partir de là, il n'y a plus rien, donc toutes celles-là, on va les monter d'une octave. Des dièses. Et on va faire une petite. Calmez-vous, mon ami. Parce que si on met juste avant que ça démarre, eh bien ça marche plus. Hop, plus court. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est trop court ça, beaucoup trop court. Hop, on va le doubler. Do, alors attends, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ça donne G, c'est bien ça. Hop. Et j'ai envie de... Désolé, je suis un peu aux fraises, j'ai pas vu la fin de lundi. Vous avez fini la chanson sur les frites et tout. Oui, effectivement, lundi, on a décidé qu'on s'arrêtait à 3 heures parce que finalement, les 3 heures restantes qu'on devait faire aujourd'hui, elles auraient servi qu'à faire des petits réglages à la con, tout ça. Et je me suis dit que ça aurait été un peu chiant. Du coup, on a plié la chanson de Freddy, Mike Myers et Jason lundi. Elle sera sur les plateformes dans quelques jours au maximum. Elle est déjà sur YouTube d'ailleurs. Vous cherchez Hilergi avec un H. Le bruit de tes cloches. Voilà, on a fait une chanson horrifico-noélique. Et donc elle est dispo déjà sur YouTube et sur les autres plateformes dans quelques jours. Je rappelle que le replay du stream de lundi est dispo sur YouTube, Spotify et sur Twitch évidemment. Et donc on a décidé qu'on partait sur un nouveau morceau aujourd'hui. Et donc avec ces accords-là, qui en vrai sont pas mal pour le style. Pas de percussion et le style ça va être du ska punk. Donc du ska punk sans percussion. On est parti sur un truc un peu folky, je sais pas, pour l'instant c'est que le début. Et par contre, vu qu'on l'a fait en 3 heures lundi, on retente de voir si on peut le refaire en 3 heures cette fois-ci. Et on va voir ce que ça donne. Et là, je vais mettre une gratte punk. Hop. Avec les cuivres, pour voir ce que ça donne. Je sens que les cuivres, du coup, ils vont donner la rythmique de la guitare du début là. Un peu ska. Et comme ça, on verra ce que ça donne. Hop, je vais mettre là et enregistrer. Suis pas du tout en rythme là. Hop. C'était pas terrible, je l'ai refait une dernière fois. Un truc comme ça. Hop, je bouge ça et ça. Toi, tu te tais, s'il te plaît. On va essayer de faire vivre un peu plus le. Hop, j'ai oublié d'allumer. C'est poète-poète quand même. On va sur Rémadi. C'est quoi cette note qui est en. Peut-être un la dièse? Non, sol. Un truc comme ça pour mettre un peu plus de punch. C'est pas trop calme pour du ska, ouais, c'est compliqué sans percu. C'est pas la bonne note. Truc comme ça. Hop. Parce que si là je vous mettais une batterie, c'est quoi? Je vais vous montrer avec une batterie. Mais Avec une batterie punk, ben ça marcherait très bien. Sauf qu'on n'a pas droit à la batterie punk. À toute Seb. Faire un truc plus guitare sèche. Alors attends. Je vais voir ça. Il faut que ça reste punk quand même, quoi. Qu'est-ce qu'on a là, par exemple, si je veux ça? Non. J'ai pas un truc punk quelque part. Radio rock, c'est pas mal. Punk metal. Calme-toi. Si je mettais ça, par exemple, ici. Ben, ça marcherait pas mal, je pense. Mais on n'a pas droit aux percussions. Donc, malheureusement, on doit se contenter de ça. Pardon. Toi, je vais te mettre en loop et ça va être une texture. Mais ça, je peux le mettre même avant, en fait. Histoire que ça soit pas trop lent le début. Il faut, je pense, que les cuivres ils soient. Je pense qu'il faut que les cuivres soient un peu plus. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Un truc plus comme ça, moyen. M'embête lui. Trop de délai sur la guitare. Trop de délai de reverb sur la guitare. Il n'y a pas de délai de reverb sur la guitare. Rien du tout. Juste. Hop. Donc ça c'est mieux peut-être. Ça sonne trop placebo. Oui, ben attends, pardon. Alors lui, de toute façon, je vais le... Hop. Voilà, hop. Comme ça même. Cette histoire, d'accord. Hop, toi tu vas aller un peu plus haut et toi un peu plus bas. Voilà. Et on va lui mettre un, je crois que c'est ça. C'est pas mal ça. Comme ça, je sais pas, hein. Je suis pas ultra convaincu non plus. Il est un peu tôt. Et le 3 aussi. Hop, ils vont aller un peu comme ça. En fait, la guitare est décalée, donc je vais la refaire parce que je pense qu'elle est décalée par rapport au reste. Ce qui fait que du coup, ça sonne. Voilà, ça donne cet effet un peu délai peut-être. Alors voilà, je vais remettre ça quand même. Hop, le clic. Évidemment, j'avais mis ça, je ne sais pas pourquoi. Hop, hop. Toi, tu te tais, s'il te plaît, le nouveau. Hop, ça devrait pouvoir. Il fait n'importe quoi, lui. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis pas ultra convaincu moi-même, hein, vous inquiétez pas. Je suis pas trop convaincu et en même temps, Scapunk sans batterie. Voilà. Sans batterie, sans percute du tout. Peut-être qu'il faut pas que je mette une guitare punk en fait. Peut-être qu'il faut que je mette une guitare plus reggae. Je trouve que les cuivres sont comme. Je vais essayer avec une. Une guitare un peu plus reggae. AE reggae ou EA reggae? AE? Reggae? Je ne sais jamais. C'est dingue ça. Si lui, je trouve un son un peu plus reggae, qu'est-ce qui se passe? Pour avoir un son reggae qui s'en va, on va aller par là. Non, je ne sais pas si ça marchait en mode reggae. Ça sent trop. Ouais. Mode reggae, comment? Alors, trémolo, je veux pas trémolo, mais par contre, si je prends ça. Vibrato off. Bon, je vais réenregistrer la guitare avec ça, déjà. Et comme ça, on va voir ce que ça donne. Aïe, je m'ai fait mal. Plus à plus comme ça peut-être. On va essayer ça. Soit comme ça. Ouais, juste écoute ça vite fait. Soit vraiment complètement reggae, quoi. Hop. Soit complètement. Je ne sais pas lequel des deux, mais en même temps, on fait pas du reggae, on fait du ska punk. C'est ça la difficulté, quoi. Alors, ça bouge, et ça bouge. Qu'est-ce qu'on choisit? Je vais lui mettre un meilleur son à lui pour. Je veux un truc clean, moi. Qu'est-ce que j'ai comme clean? On va mettre un clean. J'enlève ça. Almost clean. Non, je veux un vrai clean, moi. Non, pas ça. Ça, c'est pas mal. Et si on lui met reverb, delay à fond. Je vais lui mettre un delay juste à lui. Délai, délai, délai. Il est mon délai. Simple délai, voilà. Mettre en 4, quoi. Calme-toi. Hop, plus rapide. comme ça. Alors voilà, là on a le choix. Soit la grosse guitare. Ici. Soit le reggae plus ou moins. Je vais remettre les... Soit le vraiment reggae. Moi j'opterais pour le deuxième pour histoire de garder un peu de punk dans le truc quand même quoi. Presse pas la guitare sur tous les cuivres. Ouais, là c'est mieux quand même, non ? J'ai remonté. Centre peu de workage, je suis d'accord, c'est vrai. Genre dans les réglages, c'est ce que je peux virer. catégorie, hop, ça c'est. Club. Bon, j'ai viré à reverb. Peut-être. Je vais essayer, donc là j'ai le ensemble en staccato, mais si je si je mets le trompette toute seule, peut-être ça va être mieux avec trompette toute seule, mais les trompettes toutes seules là comme ça elles ont tendance à sonner très poète quoi. Et c'est un peu chiant. Hop. Oui. Non, je n'ai pas demandé ça. Non, je vais prolonger ce truc-là. Oh, c'est dingue ça. Je sais plus comment on fait. Non, c'est ça. Non. Non, mais je suis idiot quoi. Cette histoire, bon, je vais la refaire. Hop, tu sors. Plugin. Ils sont où les plugins ? Ici. Là. Hop, non, ça devrait charger assez vite puisque c'est déjà chargé. Trompette toute seule, on a dit. Voilà. Et ensuite, je sais pas. Ça fait combien de temps ? Trois quarts d'heure là. Effectivement, on va essayer de trouver quelque chose de un peu moins. Ah, staccato. Staccato, j'ai dit. Tu vois, je vais le monter, le troisième accord, je pense. Hop, G dièse. Hop. Histoire que ça entre un peu. On met ça à fond. Et même celui-là, parce qu'on est des tarés et qu'on aime bien quand ça monte. C'est marrant quand même. celui-là même aussi un petit peu, parce que sinon la redescente est un peu rude. L'accordéon un peu fou, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je suis pas sûr d'avoir un accordéon, cela dit. Je vais nommer tout ça. Trompette. Trompette. Et trompette aussi. Je vais voir si j'ai, si j'ai un accordéon, mais je suis pas sûr du tout d'en avoir, un. Alors, juste pour voir, on va se mettre ça. Contact. Où est-ce que je peux avoir un accordéon dans les... Peut-être que j'ai un truc qui pourrait ressembler, mais c'est compliqué, quoi. Hop. Parce que j'ai que des synthés. Bonne idée d'accordéon, ouais. Ouais. Il me semble que j'en ai vu en plus passer des accordéons. Ça va être dans quoi l'accordéon? Bon, je sais pas. Cherchez avec moi. Basse guitare, gna gna. Drum, on n'a pas droit au drum. Ça, c'est triste. Vocal R. Vocal R. C'est ça? Non. Article V6, non, ça, c'est des voix, ça. Woodwind. Je pense pas non plus, mais Carina, blablabla. Je peux pas faire de recherche là-dedans, c'est dommage. Okay. Non. Bass, synth, bass. Bonne idée, accordéon. Ouais. Je sais pas, lead synth. C'est compliqué. Mais en même temps, c'est des synthés donc. On va aller chercher carrément dans Massive, voir s'ils n'ont pas un truc d'accordéon. Comment on dit accordéon en anglais? Est-ce que quelqu'un sait comment on dit accordéon en anglais? Ah! Plein de casque. Hop! Si je veux, je mets accordéon. Parce que accélérateur, brass model, non. Comment on dit accordéon? Là, si je mets un accordéon ici. Bon ben voilà. Pourquoi on se fait chier? On va aller chercher un truc d'Ableton directement. Ouais. Il est très poète, mais franchement, je suis pas sûr que j'ai mieux. Les accordéons, c'est pas l'instrument que les gens s'arrachent, donc pour faire un plugin d'accordéon, ça va exister. Mais je suis pas sûr de. Vu que j'ai jamais eu l'utilité. Accordion. Ouais, mais si je mets juste ACC, déjà ils trouvent rien. De toute façon. Ce qu'on peut essayer de faire. C'est mettre un accordéon en arpège. Hop. Donc, si je fais ça, que je le mets là, et que je prends ça, ça, ça, et ça, hop, je rallonge le tout. Le gauche-droite, il est super chiant, par contre. Le pan des thunes, blablabla. Où est-ce que ça peut être, cette connerie, là? C'est super chiant. Vous entendez qu'il faut lui faire gauche-droite, accordéon. Il fait gauche-droite et ça m'énerve. Ça m'énerve et en même temps, je sais pas où il est. Le hop. C'est ça. C'était ça. Hop, et si je lui mets, vous rappelez comment on fait les arpèges, je vais dans mes MIDI, je vais dans l'arpégiator et je lui colle un arpège. Je vais mettre un pinky up down. Il est assez fou celui-là. Celui-là, il est assez fou. Et j'ai envie de rajouter une octave quand même. Voir si c'est trop aigu, si je monte. On va rajouter une octave vers le haut pour voir. Hop, je suis en La dièse 2 et donc je vais monter en La dièse 3. Faire ça, mais en fait, non, je vais virer ça. Je vais virer l'octave, ou alors je monte tout d'une octave. Je ne sais pas. Hop, je vais mettre ça à droite. Du coup, je vais remettre la guitare au centre. À la base, j'y croyais moins les gens. En vrai, ça marche vraiment pas mal, je trouve. Si au moins je réponds plus, c'est que je me suis pendu avec mon câble de casque sans le faire exprès, évidemment. Ah, c'est super chiant. Faut vraiment que je m'achète une rallonge. Je pensais pas que ça chiant. Bon, bah, et ça commence là pour le coup. C'est vrai que l'accordéon c'était une très très bonne idée. Bien joué, Daisuke. Sur quoi? Non, on va se le faire. Ce truc là il me fait chier en fait. Bon, je crois qu'on commence direct comme ça. Au limite, un petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais doubler les guitares. Histoire de. Je vais refaire la même chose, mais en pas parfaitement parce que je suis pas un robot, et du coup, ça donne un peu de volume au tout, et ça a donné un petit côté. Tu sais que ça avait de bonnes percus. Dommage, ça s'interdit. Ben oui, je sais, mais. Que veux-tu que je te dise, moi? Hop. Allez, comme ça donne un peu plus de volume. Ouais, ça, quoi, où? Est-ce que je suis en ma langue encore? J'y pense maintenant, putain. J'ai revu quelques. Du coup, les replays, effectivement, je sors vraiment beaucoup ma langue. Ok, dès que je joue. Du coup, est-ce que c'est mieux? J'espère que c'est mieux. Sinon, ça, on aura perdu du temps pour rien. Sans qu'on a que 3 heures aujourd'hui, attention. Hein. Ok, eh ben en vrai c'est pas complètement dégueu. Je propose qu'on fasse un petit, on va dire que ça c'est le refrain. On va choper 2 accords ou 4 accords différents et on va faire un couplet ici, un petit couplet avant de revenir à ça. Je pense que ça va être pas mal. Bon, j'ai essayé des différentes méthodes aujourd'hui pour le casque, mais je vous garantis pas que ça va pas me complètement perturber, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme accord? Non, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut faire comme accord? Un truc plutôt joyeux, c'est sur quoi on part. Ouais, trop simple. On va partir sur ça, on va voir ce que ça donne. Ah, il m'énerve, hein! Oh là là, je fais des bêtises, c'est dingue ça, je suis en train d'effacer tout mon truc. C'est dommage quand même. On arrête là. Je mets le clic, sinon je vais me perdre, je me connais. Hop, et comme j'ai la flemme et qu'on n'a pas le temps. Oula, hop, hop, hop, hop. Eh bien, on va faire la technique que je vous ai montrée hier. À savoir, ça, je le prends, je le copie, je le colle au-dessus, mais je le fais démarrer à la moitié, c'est-à-dire. Ici, à peu près. Et comme ça, hop, on a 2 choses différentes, mais faites d'un coup, voilà. C'est pas hyper carré, hein. Hop, et voilà. Et aussi, je vais le mettre comme ça. Comme ça, je vais pouvoir le boucler tranquillement. Si jamais. Et on reviendrait après à ça. Où est-ce que je suis ici? Signaler au concerné qu'il est 11h11. Voilà, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des idées pour pardon, pour étoffer tout ça? Il va falloir des paroles aussi à un moment donné. Ah d'ailleurs, j'ai pas préparé ça. Voilà, ça que je voulais faire. Je vais m'ouvrir un petit document Word, OpenOffice pour être précis même. Hop, hop. Et pour écrire des bêtises, je me mets là comme ça. Hop. Tac. Il faudrait un truc festif du coup, avec des revendications et de quoi faire des pas des chœurs derrière, mais comment on appelle ça, des gangs, je sais plus quoi là. Vous savez quand tout le groupe se met ensemble faire hey! Faudrait un mot comme ça pour un petit peu rassembler quoi. C'est quoi les mots clés? Enfin, ça, on va chercher les mots clés du ska punk. Je te parti sur capitalisme, un truc comme ça, mais je suis pas sûr. Qu'est-ce que ça peut être? Capunk. J'allais le faire en espagnol, moi. Hein. Instinctivement, j'allais le faire en espagnol. Pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde. Mais instinctivement, j'avoue que. Je sais pas ce que vous en dites. On va faire. Vámonos, vámonos, allez, vámonos. Donc, quelque chose comme. Hop, on va dire. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Ça, je vais le faire à la fin, ça, vous allez voir. Ce vámonos là, je vais l'enregistrer. Vous vous rappelez hier, hier avant-hier, comment on a fait? Hey! Pour avoir plusieurs voix empilées, ben on va faire exactement la même chose. Hop, j'enlève ça et. Je me suis loupé. Hop. Voilà, même quand c'est là. Bam, bam. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Et je l'ai loupé. Pas grave. Hop, je duplique. J'ai dit je duplique. Voilà, merci. Et on va refaire la même chose ici. Sans faire les bêtises. Donc. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Voilà. Hop, hop. On va grouper ces pistes-là. Grouper, grouper. Je suis fatigué aujourd'hui. Hein. Oula. Tac, on va ajouter une piste audio. Hop, hop. Et c'est reparti. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Allez, une petite dernière histoire de. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Voilà. Et donc, on va faire du complètement à droite, complètement à gauche, un peu à droite. Et un peu à gauche. Pas hyper carré, c'est pas très grave. Hop, on va remettre la voix, papaplaf, ici. Et on va la mettre là. Un petit Libertad, c'est bien ça. Libertad, c'est bien. Hop. Là, celui-là, il va sortir aussi. Celui-là, il va sortir aussi. Celui-là, il va sortir aussi. Et celui-là, il va sortir. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Hop, j'enlève de l'aigu, je rajoute des graves. Pour avoir des. Pour avoir les cœurs. Bon, voilà, clac clac, et on va dupliquer ça, et voilà. Je suis un peu là en retard, j'ai l'impression. Peut-être que c'est le. C'est possible qu'il y a un micro décalé. Ouais, je suis un tout petit poil à la bourre. Donc je vais le. L'avancer si je fais ça, c'est trop. Je l'ai un peu trop avancé, hop. C'est mieux. Et comme tu disais, Mika, là, un petit Libertad à la toute fin ici, là. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Libertad. Rapa. Truc comme ça. C'est ça que t'avais en tête. un peu plus fort. Vous savez ce qui manque ? Une basse ? On l'a pas mis la basse. On va mettre une petite basse. On va la mettre ici. Piste audio. Hop. On va changer ça. Je vais chercher la basse. Hop. Je coupe tous les pistes enclenchées. Je débranche. Et la basse ? Allez, viens à toi. Alors. Vous vous rappelez de la basse dégueu de la dernière fois ? Eh ben, elle est là. Et là, mais cette fois-ci, on va lui mettre un son beaucoup plus doux, beaucoup plus rond. Hop, où est-ce que je suis ? Là. Hop, je vais le renommer. Renommé, qui es-tu ? Oula, là. Basse. Que vas-y, on va mettre ça, puis on va voir. Je vais lui. Il y a un octaveur là, c'est normal, vers le bas. On va enlever cette fois-ci, ici. Bonjour. Voilà. Et parce que lui, il n'est pas en deux, ici. Voilà, c'est pas mal ça. Comme son, je trouve. Alors, les accords, c'était donc Ré dièse, Ré, Sol dièse, Do. Mi, La, Ré, donc Ré dièse, Ré. Je suis pas accordé d'ailleurs. Hop. On va aller guitare rig. On va complètement tricher. Alors, Ré, il est où mon Ré ? Il est là ? C'est ça, si je dis pas de bêtises, on va voir si j'arrive à le faire sans planter, mais je garantis rien. Bah, je crois que je l'ai réussi. Et je crois qu'on va faire direct la suite. Ouais, je ne sais même plus ce que c'était la suite. C'est comme les accords, c'était Do. Do. Dièse. Fa Do. Donc Do ici, on va dire. Allez, on va se faire ça. Ah là là là là, je me plante complètement, donc D, hop, ici, pardon. Je suis pas en rime du tout. En vrai, je pose des trucs, mais tu préfères peut-être qu'on te laisse faire ça, redonner un coup de... Ah non, non, au contraire, donner des idées. Deux idées, sinon moi ça va vite tourner en rang et ça va pas être intéressant. Non, participez, surtout participez. Donnez plein d'idées. Je vais le mettre dans les règles d'ailleurs, ça. C'est vrai que je n'avais pas noté. Mais que vous pouvez complètement donner votre avis. Hein. Alors, c'est pas juste moi, qui fais les trucs. Non, non. Pardon. La basse, c'est bon. Clac, clac. Je coupe, je débranche. Et. Toi, tu vas aller là. Putain, qu'est-ce que j'en peux plus. Te fous de ma gueule. Toi, tu vas aller là. La basse, c'est fait. Et toi, tu vas rejoindre tes petits copains par là-bas. Et ça commence presque à avoir de la gueule. On va commencer direct par ça en fait. Toute la partie. Ça c'est chiant. Je suis bon là, non, je suis pas bon. Ici, là. Je vais faire édition, supprimer zone temporelle. Voilà. J'ai bien celui bata à la con. J'ai une foutre plus de dés à Oliver. Hop, ici. Là-bas, ça change tout quand même. Hein. Carré, c'est horrible. On n'a pas le temps d'être carré. Faudrait l'idée magique qui ramène encore un peu plus de rythme, un truc qui pourrait vraiment remplacer les percussions. Je trouve qu'il manque le petit truc quoi. Je sais, la dernière fois on a fait ça. Je peux. On peut réessayer. Alors si je fais ça et que je prends tout ça. Et donc c'est lui. Et je le mets. Moyen. Re-seb, hop, là, on en est là, Mika a très habilement proposé de rajouter de l'accordéon, et on a rajouté quelques voix. Peut-être une guitare tout court, un truc. Un truc dans les aigus, une bonne grosse guitare électrique. Mais un truc, pas les accords. Quelque chose. Alors, j'avais une guitare électrique là, on va voir. Bon, je vais pas mettre ce son parce qu'il est un peu dégueu. Hop, ça dégage. Bon, finalement, on est pas parti sur ça. On va mettre la guitare de l'album. Comme ça. Hop, hop, hop. Rajouter de la reverb, évidemment, parce qu'on adore la reverb. Voyons voir ce que ça donne si je fais ça. Ah bah je suis faux, dis donc. Et j'enregistre pas parce que j'ai ça enclenché. Gros naze. Waouh, j'arrive pas. Cette partie-là, je faisais la note à la base sur le premier temps. Non, parce qu'il faut du rin. Il faut vraiment du rin. Donc. Parce que si on a ça sans les percus, il faut vraiment que tout soit très rythmique, sinon ça risque d'être vraiment chiant. Voilà. Pour imiter un kick, ouais, bah là-bas, ça limite pas du tout le kick. Elle est ultra ronde, elle est super ronde, elle est super truc. Et puis, sur le premier temps de chaque accord, ça va pas être assez. Pardon, je suis là. Écoute ce qu'elle fait la basse. La basse, elle fait ça. Complètement tricher et utiliser les possibilités de la technologie pour essayer de recaler un peu tout ce bordel. Voilà, hop. Et on va faire la même chose dans l'autre. Parce que tant que les 1 sont sur le temps, le reste ça va. Hop. En vrai, c'est pas dégueu, je trouve. Pour un truc qu'on est obligé de faire sans percu, Ben, je trouve que c'est pas complètement dégueulasse. C'est pas complètement déconnant. Grosse se bat, j'ai peur que ça fasse vraiment hors sujet par rapport au skatepunk. Arriva! Ok, ben je le fais, évidemment, je le fais. Non, pardon, j'ai eu peur. Ah, et voilà. Hein. J'ai peur d'enregistrer les bêtises. Il faut que je prenne l'habitude d'enlever ça. Et ça, ça va. Vous allez voir, ça va tout changer. Je vais même essayer de le doubler, ce truc-là. Voir ce que ça donne. Je serais curieux. Hop. On va mettre 40. Allez, 41, si tu veux. Je crois que je suis pas trop mal. Alors. Quoi. J'en faire peur après, tu vois. Du coup, ça, je vais le virer pour le mettre que à la fin. Mais je pense qu'à la fin, on va faire une piste entière avec que des conneries comme ça. 1h31. Il reste 1h31 à notre petite bêtise. Alors, on va faire une petite pause. Ouais, et vu qu'on a que 3 heures, là, je me permets de faire pause pendant le clip. Et je vais mettre un clip cette fois-ci. On va regarder un clip de Sheep and Beer. Ça s'appelle Beer, Beer, Beer, tout simplement. Et on se retrouve après tout à l'heure. lost my ship, lost my crew, and lost the thief. Where am I? I have no idea. I'm wandering aimlessly. It's raining. Oh, cats and dogs, furthermore, there's a dog. It's looking a banshee. Pensively, a banshee. We are lost. We've lost. We've lost him again. Where is he? The drunken. The drunken captain. Et voilà, Ship and Beer avec la chanson Beer, Beer, Beer. J'espère que vous appréciez, que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux, tout ça. Ils ont sorti un album il y a 2 ans, je sens ça, je crois. Voilà, vous pouvez les retrouver tranquillement. Nous, on retourne sur notre petit morceau ska punk sans percussion. Un peu compliqué. On se l'écoute une fois juste parti là. Parce que ça, je suis pas sûr qu'on va le garder. Pardon, ici, je suis pas sûr que tout ça, on va le garder. Les mains sont lavées. Ouais, les mains sont lavées. La vessie est vide et les mains sont lavées. C'est une promesse. Voilà, je te promets. T'as ça. Ça sent le propre. Je pense que toi-même, tu le sens le propre. On se l'écoute une fois et après, il va falloir trouver des paroles. Et là, je vais compter sur vous parce que voilà, la parole, c'est toujours mon petit point faible, quoi. Allez, on s'écoute une fois jusqu'à peu près ici. We'll be right back. On va sauter des petits hey hey à la fin. Tout simplement. Happy Studio. Parce qu'ils font beaucoup ça et ça, ça faut du rythme et que du rythme on en manque, nous. Est-ce que vous êtes prêts? Hop, on va faire des hey hey. Tout simplement. Hop, il faut que je mette ça. Sinon, ça n'enregistre pas. Et ça serait dommage. Voilà, j'en ai fait quoi, 16, je pense, un truc comme ça. Et je vais méga tricher parce que, comme d'habitude, la flemme. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter tout plein de pistes. Ctrl T, apparemment. Hop, hop, hop, hop, hop, hop. Et simplement, je vais venir les mettre là, les uns après les autres. Et après, je vais les dupliquer. Et ça sera bon, ce sera exactement les mêmes hey à chaque fois. Mais au moins, c'est vite fait, c'est bien fait. Bon, c'est, en tout cas, c'est vite fait. Dédédédé. Je vais descendre ça histoire que ça soit plus facile. Hop. Hop. J'espère que ça va pas trop faire galérer mon ordi. Il commence à y avoir pas mal de pistes avec ces bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a fait que la moitié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop. Ah. D'accord, donc n'importe quoi. Comme ça. Ouais, c'est parfois c'est pas toujours toujours fun de composer comme ça. Hein. Hop, je vais te ramener ça ici. Hop. Tout ne peut pas être tout là en jaillant quoi. À un moment donné, c'est du travail aussi quoi. Puis il faut se s'escanter les doigts, cliquer et tout ça. Hop. Et maintenant, si je prends tout ça, on va tout fermer parce que ça va être long. Et on va voir ce que ça donne. Hop, hop, il y en a vraiment beaucoup. Je les ai pas panés en plus comme l'idiot que je suis probablement. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Faut toujours zoomer un peu plus. Hop, voilà. Alors, on va faire un petit pan. Allez, 50. Moins 50. Combien on en a? 16, ça fait 8 trucs différents. Hop. 45. Moins 45. Fermez tout ça parce que sinon, ça va faire beaucoup. Et là. Hop. 40. Pareil, je suis en train de faire n'importe quoi. Et il y aura beaucoup trop de sang, beaucoup trop partout. Moins 35. Et on va faire en faire deux derniers juste. Et le reste, on va laisser au milieu. 30 et moins 30. Alors, voyons voir ce que ça donne. Est-ce que ça fait la patate? Petite douzaine, il y en a 16 là. Hey, Et en fait, on jouera c'est que deux au début. Hey, vámonos, vámonos. Comme ça plutôt. Parce que ça risque d'être très très chiant sinon. Je pense très sincèrement. Donc, on va faire. Voilà, putain, j'en ai fait beaucoup trop. 16, c'était complètement démesuré. Hop, là j'en ai combien? 1, et donc là. Non, donc c'est bien ça. Tout cela, ils vont dégager. Et voilà. Et tout ça, si je duplique, ça marche pas. Ça marche pas et je suis très déçu par l'attitude de mon Ableton. Allez, premier, après ça, on arrête les conneries et on se met aux paroles. Est-ce que vous avez réfléchi un peu aux paroles? Est-ce que vous avez des idées? Un truc un peu revendication, quoi. Est-ce que j'ai pas fait n'importe quoi, moi? Et pareil, ils sont un poil en retard aussi. Hein. C'est hyper énervant. J'ai un micro décalage. Hop. Si je fais ça, est-ce que c'est mieux? Mais attends, j'ai fait que sur celui-là ou quoi? Non, je crois pas. Non, d'accord. Hop. Rétablir. Supprimer clip. Rétablir. Insérer clip. Voilà. Hop. Ce que je propose, c'est qu'on fasse tout ça là, on va le dupliquer, on va le mettre à la fin et ça va être un peu notre chant du cygne. Et la guitare, là, celle-là, là, elle sera qu'à la fin. Et là, on va faire une petite impro trompette. Pouet, pouet. Hop, hop. Je sais pas faire ça. Pourquoi je me lance dans des trucs pareils? Je sais pas le faire. C'est pas grave, on va quand même le faire. Oh là là là là là. C'est comme ça. Alors, tu sais, ça monte quoi. Et le volume petit à petit. Voilà, maintenant des paroles. Des paroles. De quoi elle parle cette chanson? On va même rajouter une petite pêche à la basse, à la guitare. En ré dièse, je pense. Voilà, ici. Comme ça, ouais. Ouais, Billy Punk, on va faire ça plutôt. Les paroles, c'est pas un truc genre droit des ouvriers, font ça quoi, du sang des ouvriers contre le patronat. Je suis en train d'effacer, je suis sûr, tout ce qu'il y a en bas. Voilà, tout à fait. Pardon. Truc comme ça. Même peut-être, est-ce que je peux le faire à l'octave? Ouais, ça je vais faire. Hop, on va faire ça à la basse. On va se faire ça à la basse, tranquille. Là, j'étais sur un ré dièse. Ré dièse fa, si je dis pas de conneries. Donc. Et où la petite basse? Ici. Et j'ai envie, pardon, hein, mais à la fin de mettre quand même une gratte, quoi. Une vraie gratte qui fait le punk. Parce que là, je la tease avec le. Avec ça, mais du coup, c'est un peu nul si elle vient pas à un moment donné, quoi. Hop, hop, hop, Et celle-là, elle va être à 0. Oh, français, enfin français, on peut batailler. Le sang des ouvriers et Arlette Laguier. Truc comme ça. On peut faire un truc un peu franchouillard, quoi. Parce que les franchouillards, de toute façon, c'est pas les derniers à mettre d'espagnol dès que le fait altermondialiste. Hop. Hop, hop, hop, hop. Je vais mettre le clic un peu au Tagada Jones, ouais, un truc comme ça, ouais. Ça va être marrant. J'ai plus d'avant-bras. J'ai pas l'habitude de jouer comme ça. Et c'est un échauffement là. Parce que t'as, faudra pas compter sur moi. J'ai écrit que des trucs de dépressif. fais un truc de dépressif, mais au lieu de dire la dépression, tu dis le patronat. Et voilà, fais un truc comme ça. Du coup, évidemment, lui. Est-ce que ce que j'enregistre, oui, quand même. Et donc. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va partir sur les paroles. Un truc genre le sang des ouvriers. Ouvriers. Et le sang des ouvriers coule dans la flûte de champagne du grand patronat. Voilà, tu vois, tu... C'est très à dépression, finalement, hein, si on change quelques mots. Du grand pa... Le sang des ouvriers coule dans la flûte de champagne du grand patronat. Voilà, truc comme ça, qu'est-ce que... la Méditerranée... Méditerranée, je sais pas comment on s'écrit. Rempli de. Non, peut-être pas Méditerranée. C'est pas comme dans le sujet. On se noie pendant qu'il se. Ouais, merci. Merci, Seb. On se noie pendant que. Oh, il se baigne dans les larmes. On se noie dans les. Non, je sais pas. C'est comme ça. On se noie pendant qu'ils sont sur des yachts, vous voyez? Comme ça, le sens d'ouvrier coule dans la flûte de champagne. Dans la flûte de champagne des grands patronats, il se baigne dans notre sueur. Il mouille leur yacht. Dans notre sueur. C'est pas mal ça. Il remplit sur piscine la sueur de nos fronts. Ça, c'est bien ça. Ils remplissent leur piscine à la sueur de nos francs. Et du coup, j'ai enlevé sueur. Même si c'est une très belle référence à sueur, évidemment. Ils mouillent leur yacht dans nos larmes de détresse, voilà. Dans nos larmes de détresse. Genre se noie dans l'argent acquis grâce à notre sueur. Ouais, voilà, du coup, le remplissage de piscine, je trouve que ça marche pas mal. Le sang des ouvriers coule dans la flûte de champagne du grand patronat. Ils mouillent leur yacht YACHT. Ils mouillent. Dans l'arme de détresse, ils remplissent leur piscine à sueur de nos francs. Yacht, ouais, c'est bien ça. Le sang des ouvriers coule dans la flûte de champagne du grand patronat, c'est un peu long, on va pas se mentir. Ils mouillent leur yacht dans les larmes de nos détresses. Dans nos larmes de détresse, ils remplissent leur piscine à la sueur de nos francs. Jamais trop de sueur. C'est pas faux, Gwen. On est très sur tout ce qui est liquide là. Si vous voulez rajouter un peu de liquide, c'est le moment quoi. Alors non, là, mais de détresse. Après, faut réussir à le caler. Dans la larme de détresse, et en plus piscine, sueur de l'enfant, le sang des ouvriers coule dans la flûte de champagne du grand patronat. Un truc comme ça, c'est pas mal. Hop, ça, je vais le mettre en dessous. C'est quoi, je vais me faire une piste de voix. Les voix, elles sont en bas. Hop, le groupe. Audio. Hey. Voix ici. Et pareil comme hier, on va se mettre un poids de saturation. Allez, prenez le palier. Bouge, va-t'en. Voilà. Et donc, One knob. One life. Le contraire est étrange dans ta part, il y a un pseudo assumé. Bah oui, évidemment. Driver mono, je vais le mettre ici. Hey! Allez, on est capable du grand patronat! Ouais, c'est bien, ça fait un peu en plus. Truc de manif, quoi. Mégaphone. Belle assise de la sueur! Ça fait deux refs à début subtil déjà. Hein. Une ref par truc. Vas-y, je tente comme ça à la volée. Ils moulent leur yacht dans nos larmes de détresse! J'entends pas bien. Je viens de m'avoir. Je vais mettre hop, mon retour. Hop, c'est ça. Un peu plus fort. Je vais mettre ça et surtout je vais me virer la voix clean. Hop, et ça j'avais pas bien. De nos francs. Francs. Et. Le sang des ouvriers coule dans le flux de champagne du grand patronat. Hop, c'est parti. Et j'ai pareil. Ah là là là là là là. Erreur du streamer. J'ai oublié de remettre le chose quoi. Enfin le machin. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que hop, on va mettre 20. Voilà. Hop, voilà. Erreur fatale du streamer musical. Quelle horreur. Voilà, il reste 1h20, on est d'accord. Ça faisait 10 minutes à peu près qu'on était reparti. Alors, le grand patronat. Grand patronat, tu vas voir, grand patronat, ce qu'on va te mettre. Bonjour, chéri Crime. Ça va, tu viens d'arriver? Je reviens dans une vingtaine de minutes, je vais prendre mon café, tu as bien raison. Chéri Kim, puisque tu nous rejoins, voilà, on est parti sur ces accords-là qui en fait sont pas trop mal, ça va, ça marche bien. Contexte, pantalon tartan et capsule, donc ska punk, schkapé, tout ça. Problème, c'est qu'il n'y a pas de percu. Et sans percu, faire du punk surtout, c'est compliqué. Mais on a réussi un truc pas trop mal. Tiens, je te fais juste écouter cette partie-là, histoire que vous sachiez plus ou moins où on en est, quoi. Et là, on est en train d'enregistrer les voix. C'est pour ça que j'ai cette voix-là. Mais je vous fais écouter sans la voix d'abord. C'est pas du tout ça, pas le bon ordi. Je me suis posé la question, Seb, effectivement, est-ce que j'ai le droit de les faire à la voix ou pas? Je me dis, bon, c'est un peu triché si on le fait à la voix, non? Donc, sinon, ouais, on peut toujours faire Pouka, les modifier pour faire des trucs. Mais bon, c'est un peu triché. Là, le but, c'est de vraiment d'essayer de faire un truc sans qu'il y ait de percussion, même si c'est pas des instruments de percussion. Donc, voilà. Allez, on va essayer ça. Et donc on est sur ça sent la bière et la gadoue, exactement. Et on cherche des paroles. Chéri Krim, si t'as des idées, on est parti sur le grand patronat. Enfin, je vais le chanter, tu vas entendre. Enfin, si on comprend quelque chose. Je vais quand même relire le truc. Donc là, ça serait pour le refrain. Et après, il y a un couplet. Donc pour le couplet, il faut une forêt de la maille. On est parti sur « Ils mouillent leur yacht dans nos larmes de détresse. Ils remplissent leur piscine à la sueur de nos fronts. Le sang des ouvriers coule dans la flûte de champagne du grand patronat. » C'est une phrase un peu longue, mais je la coupe en deux, donc ça va. Donc on va essayer de caler ça. Ça va être le refrain. Et après, il va falloir des paroles pour le couplet. Voir pour le pont, on peut rajouter des paroles. Allez, le grand patronat. C'est parti. Pas mal. Allez, on s'écoute ça. Je vais descendre un peu les bamonos qui sont très très forts. Voilà. Tout ça, je vais descendre ça. Hop. Et ça, je le mets à part, histoire de... Hop. Groupé, groupé. Hop, voilà, très bien. Je vais mettre là. Parce que sinon, on l'entend plus. C'est un peu fouillis, hein, pas se mentir. Ça va être voix. Alors, bon, très bien. Oui, pardon. Hop. J'étais tout simplement en train de refaire, refaire un peu le niveau ici. Parce que là, en plus, il y a beaucoup. Je vais doubler cette voix. Je vais essayer de refaire la même chose, ça va être chaud, mais bon. Il y a des professionnels ici. Hop, je vais mettre 5 et lui moins 5. Hop, ouais, c'est ça. Alors, on va essayer de le refaire et comme ça va. Il y a moyen de retirer la troisième et la cinquième Bamonos. Ouais, attends. Attends, attends, attends. On est ici. Le troisième et le cinquième, tu parles pas à troisième, sixième. Oui, parce que avec le, effectivement, vu que le refrain il est sur ça. On peut faire un truc comme ça. Hop. C'est ça les Babanos, on est d'accord, hein, que je dis. Babanos. C'est bien ça. Hop. Et je vais le faire partout du coup. Hop. Hop. Et là aussi. Parce qu'effectivement, puisque la voix continue sur ça. Ça tombe au milieu des, voilà, ça tombe au milieu des phrases, c'est bizarre. C'est vrai. Bien vu, c'est bien vu ça. Ok, je vais essayer de doubler cette, cette voix ici. On va voir ce que ça donne. Alors, je suis en train de lire le chat. mon esprit a divagué. Il mouille le rien dans nos larmes de détresse. Je vais remettre, pardon, le clic, parce que sinon il y a quand même beaucoup de trucs et on s'y perd vite. Ils mouillent leur yacht à nos larmes de détresse, ils remplissent leur piscine à la sueur de nos fronts. Le sang des ouvriers coule dans l'afflux de champagne du grand patronat. Ils mouillent leur yacht dans leurs larmes de détresse. Ils remplissent leur piscine à la sueur de l'offrant. Le sang des ouvriers coule dans l'afflux de champagne du grand patronat. Est-ce que ça va coller? On va voir. Hop, je vais le redescendre un petit peu, -3, -3. Parce que puisque je rajoute une deuxième voix, forcément, ça va être plus fort. Alors. Eh, je suis pas mal, hein. Je trouve, je suis pas mal en vrai, savoir me jeter des fleurs, ce que je fais évidemment. Question Kalash, je suis pas trop dégueu. Hop là, c'est bon là. Très bien. Alors, à la toute fin, on va faire une piste entière avec juste des bras. Abat le patronat, tout ça, avec beaucoup d'effets, que ça a très reggae, tout ça. Mais avant, il faut qu'on remplisse ce petit couplet. Voilà, alors là, qu'est-ce qu'on dit? C'est la question. Hop. Est-ce que vous avez des idées? Donc, on va pas rester sur le grand patronat, tout ça, les ouvriers, tout ça. Il me faut un truc un peu rapide aussi, quand même, pour remplir. Donc, je sais pas, entre 4 et 8 phrases, ou l'équivalent de 4 et 8 phrases, quelque chose comme ça. On réfléchit pendant ce temps, on se met le morceau à l'entier, il est pas très long de toute façon. Il fait même pas 2 minutes. Oh, très bien. Pourquoi il veut plus? Ah, très bien. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine, c'est bien ça. On va boire nos bières en leur jetant des pierres. On va chier sur les capots de leur SUV. Ça, c'est bien ça. Tous les jours, tu vas te casser le dos en mode rétro boulot, dodo. Tu peux aller à des boules, ça. Kantos en vacances à Bakou. C'est où Bakou? À Bakou. Ah, à Bakou, genre. À peu cher. Et au milieu, on va faire. Bon, ça pour le coup, ça va encore faire très ultra vomite. Mais là, on va faire un petit. Allez, hey, quand même pas se laisser faire. Je l'ai où ma voix? Je l'ai où la voix? Non, je l'ai en bas la voix. En bas la voix. En bas la voix. Hop. Azerbaïdjan. Ah, c'est en Azerbaïdjan, d'accord. Ouais, c'est un petit truc. Hop, ici. Ah bah attendez les mecs, quand même pas laisser faire là. Grève, grève générale. Allez, on ferme toutes les usines. Allez, Roger, Roger, tu ramènes la C3 et on les fait péter. Explosion. On va faire revenir le gobelin à chaque fois. Pourquoi pas? Ah bah attendez les mecs, quand même pas laisser faire là. Grève, grève générale. Allez, on ferme toutes les usines. Allez, Roger. Hop, j'ai envie de lui mettre un effet vraiment très coupé à lui. Et juste pendant cette partie-là, alors, lequel est-ce que j'ai? C'est celui-là, hop. Je vous montre quoi, comment qu'on fait le machin. Là, je vais... Donc, là, j'ai mis un effet radio et je vais l'activer seulement sur cette partie-là. Est-ce que c'était bien ou est-ce que je le refais? C'est la question aussi. C'est faire là, grève, grève générale. Allez, on ferme toutes les usines. Allez, Roger, Roger, tu ramènes la C3 et on les fait péter. Explosion. Il brûle rien à ta... J'aime bien. Je trouve ça marrant en vrai. Je vais refaire alors, de quoi? Faites péter les gilets jaunes, c'est bien. Je vais refaire en espérant que ce soit mieux. Mais ouais, je l'ai mis un déjà. Non mais attendez les mecs, on va pas se laisser faire là. Crise générale, crise générale. Faites péter les gilets jaunes. Explosion. Non, c'était pas assez. Hop. Non mais attendez les mecs, on va quand même pas se laisser faire là. Hein? Ah. Non, attendez les mecs, on va quand même pas se laisser faire. On va faire péter les gilets jaunes et remplir le rond-point. Grève générale, grève générale. Explosion. Voilà. Non, attendez les mecs, on va quand même pas se laisser faire. On va faire péter les gilets jaunes et remplir le rond-point. Grève générale. Les gilets jaunes, je sais pas, parce que on fait un tour, quoi. On fait un tour, on est là pour faire du cliché, de toute façon. Hein. Je disais, on est là pour faire du cliché, mais c'est pas bien, gilets jaunes. On fait tout péter comme ça en même temps. Non, attendez, les mecs, quand même pas se laisser faire. On va faire péter les gilets jaunes et remplir le rond-point. Grève générale, grève générale. Là, je suis. Il y a un truc qui me va pas, qui me chafouine. Non, mais avec l'explosion derrière, on dirait que tu veux les exploser. Ah oui, d'accord. Ok, bon, je vais enlever, j'ai jeune. Non, mais attendez, les mecs, on va pas se laisser faire. C'est quoi ce bordel? Grève générale, Roger, amène-moi les gilets jaunes. On fait tout péter. Explosion. Peut-être mieux celui-là, effectivement. Non mais attendez les mecs, on va pas se laisser faire. C'est quoi ce bordel? Grève générale, Roger, amène-moi les gilets jaunes. On fait tout péter. Explosion. Bon, celui-là ou la toute première version? Qu'est-ce qu'on fait? Je peux ramener la toute première version, c'est-à-dire que j'efface ça. Première version, cette version, ça vote. Allez, première version ou cette version. J'attends un vote. J'ai toujours pas les moyens de faire un vote, malheureusement, sur le Twitch. Qu'est-ce qu'on fait ? Première version ou ça ? Première version, c'était la C3, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que vous en disiez ? Attendez les mecs, qu'a passé c'est faire ? C'est quoi ce bordel ? Grève générale ! Rongez ! Amène-moi les gilets jaunes ! On fait tout péter ! Explosion ! Allez, on part sur la première. Clac, clac, clac. Je pense que c'était celle-là. Non mais attendez les mecs, qu'a passé c'est faire là ? Grève ! Grève générale ! Allez, on ferme toutes les usines ! Allez, rongez ! Rongez, tu ramènes la C3 et on les fait péter ! Explosion ! Très bien, on va faire ça et le explosion, je vais numériquement le rallonger. Vous allez voir la technologie du futur qu'on a ici. Explosion, ça commence à peu près là, ça finit à peu près là et on va le truc. Vous allez voir, ça va être bien dégueulasse, ça va être bien moche. Explosion ! Il brûle rien. Ça va. Je pensais que ça serait pire. Normalement, il aime pas trop quand on les tire comme ça, autant. Dans la flûte de champagne du grand patronat. Non mais attendez les mecs, qu'a passé c'est faire là ? Grève ! Grève générale ! Allez, on ferme toutes les usines ! Allez, Roger ! Roger, tu ramènes la C3 et on les fait péter ! Explosion ! Il brûle rien dans nos larmes de l'air. Alors ? C'est bien, non ? Je vais aller rechercher les messages. On a Gwen qui a mis ça. Hop, je copie et je colle. Évidemment, il se met en blanc, ce con. Formatage par défaut, il n'y a pas ça. Formatage, hop, très bien. Et Seb qui mettait tous les jours, blablabla. Copier. Und collé. Et pareil, formatage par défaut, histoire que je le vois. J'ai dit formatage par défaut. Voilà, tous les jours tu vas te casser le dos en mode métro boulot dodo, tu peux aller rejoindre les deux bouts, quand ça va couper. Il a mis des rimes et tout, non mais on n'est pas sur une chat de qualité sans déconner. Macro explosion, ouais. Ouais, complètement explosion, ouais. On va aller faire des barbecues sur les parkings de l'usine, on va boire nos bières, on jette des pierres, on va chier sur les capots de leur SUV. Très bien, est-ce qu'on peut trouver des rimes à ça? On va aller sur le message de Gwen. Ah mais l'explosion, d'esprit qui dit ça me fait penser à ça maintenant, explosion. L'explosion est complètement une référence à ce explosion. Vous avez jamais vu cette vidéo? Elle est magnifique. Et magnifique, alors, je ne vais pas vous l'entrer là parce que le temps de trouver tout ça et je vous rappelle qu'on a un temps limité ici. Il est magnifique, c'est une dame, je sais pas, alors quoi, 45-50 ans et elle est complètement en transe. Oh Macron, explosion. Et c'est super drôle. Et un temps, c'est un peu triste. Alors, on va aller faire des barbecues sur les parkings de l'usine, on va boire nos bières en jetant des pierres. On va chier sur le capot de leur SUV. Usine, pierre, usine, faut trouver des rimes. Faut trouver des rimes et du coup si on arrive à faire rimer un peu tout ça, ça marche. Pierre, bon, bière et pierre, ça rime effectivement. Alors, on va boire nos énormes bières. On va boire nos énormes bières en leur jetant des pierres, certes. Donc on a une rime là, et il faut faire rimer le truc de usine avec SUV, voiture, on peut faire rimer voiture avec voiture, hein. Le parking de l'usine de voiture, sur le capot de leur voiture quoi. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine, on va boire nos énormes bières en leur jetant des pierres, on va chier sur le capot. Pierre-Bière, usine, limousine, sur leur limousine. Très joli celui-là. Ah là là, ça c'est 20 points ça pour Chéri Crime. Bien joué. Sachant que Seb, il a pas fait de rimes croisées, cassé le dos au boulot. Donc, on va faire. On va aller faire évacuer sur le parking de l'usine et on va chier sur le capot de leur limousine. Hop, toi tu vas aller là. Je te prie. On va boire des énormes bières en leur jetant des pierres. Et ensuite, tous les jours, à se casser le dos en mode métro, boulot, dodo, tu peines à joindre les deux bouts quand eux sont en vacances à Bakou. C'était chier qui rimait et qu'est-ce que tu fais ? Ah oui ! Effectivement. Effectivement, je l'avais pas vu. J'avoue que je l'avais pas vu. On va faire avec vous. On va chier sur le capot de leur... Et pourquoi j'arrive pas à écrire limousineux ? Il m'a écrit limouse. Ça dérape complètement. On va faire des barbecues sur le parking de l'usine et on va chier sur leur capot de leur limousine. On va boire nos énormes bières en leur jetant des pierres. On va boire nos packs de bières peut-être. On va boire nos packs de bières. Et je sais pas, j'arrive pas à écrire avec ce clavier là. On va boire nos packs de bières en leur jetant des énormes pierres. Du coup on peut mettre énorme là. Zélan Pierre, tous les jours tu vas te casser le dos en mode métro, boulot, dodo, tu peines à joindre les deux bouts quand eux sont en vacances à Bakou. On est pas mal sur ces deux-là. Un petit mix entre celui de... Hop, on a celui de Gwen d'abord, celui de Seb ensuite, et puis Jerry Krim qui a sublimé tout ça. On se le tente. On devrait faire l'inverse. C'est-à-dire le truc de Seb d'abord, le tous les jours tu vas te casser le dos, blablabla, et finir par on va aller faire des barbecues. Ouais, genre, d'abord on fait un constat, maître tu te casses le dos, d'abord on fait un constat de c'est le bordel, et ensuite, du coup on va leur casser les usines, tout ça, c'est ce que tu veux dire ? Et après t'es fâché, c'est ça, ouais. Tous les jours tu vas te casser le dos en mode métro, boulot, dodo, tu peines à joindre les deux bouts quand eux sont en vacances à Bakou. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine, on va chier sur le capot de leur limousine, on va boire nos packs de bière. Pourquoi j'ai des lettres qui s'effacent en leur jetant des énormes pierres ? Le sens de vacances à Bakou, ça marche pas trop du coup. Ben à Bakou si, parce que vu que c'est pour eux ça coûte pas cher, puisque c'est nous qu'on travaille pour eux. En fait, c'est notre productivité qu'ils exploitent, j'allais dire. Et ces vacances à Bakou, oui, c'est la magnifique ville de Bakou que je ne connaissais pas. Voilà, qui est-tu ? Attends, tu l'as dit tout à l'heure. Chéri Krim a toujours raison. Il y a un circuit de F1 apparemment. Gwen, tu aimes bien la F1 normalement. Non, toi, c'est plutôt moto. C'était où ? Attends, c'était encore plus haut, je crois. Non. Azerbaïdjan, voilà. En Azerbaïdjan, apparemment, il y a. J'ai mis qui c'est ça, là, quoi. Azerbaïdjan, apparemment, il y a une ville qui s'appelle Bakou. Il y a un circuit de F1. Je suis nul en géo. Moi aussi, je suis nul en géo. Figure-toi. Alors, les deux font pas du tout la même taille, par contre. Donc, je vais les caler différemment. Mais on va tenter un truc. On va se tenter un truc. Hop. Si vous voulez voir. Là, ça, en fait, c'est des. C'est des parenthèses, je crois qu'on dit. Des parenthèses qui permettent de ne pas enregistrer avant et pas enregistrer après. Comme ça, j'ai pas besoin de faire une nouvelle piste pour faire ça et ça efface pas ce qu'on a déjà fait, etc. Tu l'entends, le son de la révolution, vous avez poussé notre passion jusqu'à l'explosion, c'est pas mal. Et après, démerdez-vous, j'ai rien d'autre, je suis trop de droit, certainement. je vais déjà essayer de caler ce qu'on a, parce qu'on a quand même 8 strophes, c'est comme ça qu'on dit ? 8 lignes. Et je pense que c'est pas mal déjà. Donc je vais essayer de caler ça, et on va voir ce que ça donne. Hey ! Tu vas te casser le dos en mode métro, boulot, dodo. Tu peines à joindre les deux bouts quand te sont en vacances à Bakou. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine. On va chier sur le capot de leur limousine. On va boire nos packs de bière en le jetant des énormes pierres. Je crois que je suis pas mal, mais j'ai pas mis le clic. Alors du coup, j'ai peur de pas être trop dans le rythme. Ouais, alors la rythmique était pas mal. mais la façon de comment on dit déjà, la façon de enfin, voilà, vacances à Malibu. Ouais, peut-être que Malibu c'est moins Malibu. Il y a Shrikim qui a proposé Honolulu tout à l'heure. Honolulu, c'était le moins connu. Malibu, c'est bon, pour le coup, tout le monde sait c'est quoi Malibu, quoi. Ça fait plus Clankos, ouais, voilà. Très bien. Hop, allez, je le refais. Hey, j'adore le délai. Tous les jours, tu vas te casser le dos en mode métro boulot dodo. Ah, je me suis laissé distraire encore une fois. Le sang des ouvriers coule dans la flûte de champagne du grand patronat. Tous les jours tu vas te casser le dos en mode métro boulot dodo. Tu peines à joindre les deux bouts quand eux sont en vacances à Malibu. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine. On va chier sur le capot de leur limousine. On va boire nos packs de bière en le jetant des énormes bières. Je crois que je suis pas mal. Le sang des ouvriers coule dans la flûte de champagne du grand patronat. Tous les jours tu vas te casser le dos en mode métro boulot dodo. Tu peines à joindre les deux bouts quand eux sont en vacances à Malibu. Je crois que j'ai un léger décalage relou, ce qui fait que si on fait ça. Du grand patronat. Te casser le dos en mode métro boulot dodo. Tu peines à joindre les deux bouts quand eux sont en vacances à Malibu. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine. On va chier sur le capot de leur limousine. On va boire nos packs de bière en le jetant des énormes bières. Ils mouillent rien à ta nos larmes de tresse. Ils remplissent leur piscine. Tous les jours tu vas te casser. Est-ce que je peux mettre je vais mettre un petit gain, très bien, je peux faire ça. Tous les jours tu vas te casser le dos en mode métro boulot dodo. Tu peines à joindre les deux bouts quand eux sont en vacances à Malibu. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine. On va chier sur le capot de leur limousine. On va boire nos packs de bière en le jetant des énormes bières. Ouais, ouais, non, mais après, Loulou, ça passait complètement. Mais c'est juste qu'il y a moins ce truc de vraiment parc de riches, quoi. Je trouve. Au Loulou, tu dis c'est cool, paradisiaque, tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est je sais pas. Enfin, je trouve que Malibu, ça marche mieux dans le contexte général du truc. J'essaie de doubler un petit peu. Ça, je vais copier et coller. Ici, hop, voilà. Normalement, si je fais là, très bien. Je vais essayer de doubler juste les des fin de phrases comme ça. Alors, pas sûr que j'y arrive, mais on va essayer. Le sang des ouvriers coule dans la flûte de champagne du grand patronat. Tous les jours, tu vas te casser le dos. Tu vas te mettre au boulot dodo. Tu peines à joindre les deux bouts quand eux sont en vacances à Malibu. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine. On va chier sur le capot de leur limousine. On va boire nos packs de bière en le jetant des énormes pierres. Je crois que j'ai chié un peu le milieu. Du grand patronat. Tous les jours tu vas te casser le dos. On va te mettre au boulot dodo. Tu peines à joindre les deux bouts quand eux sont en vacances à Malibu. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine. On va chier sur le capot de leur limousine. On va boire nos packs de bière en le jetant des énormes bières. Il y a les deux du milieu que j'ai chié. Ça fait très Renault, je trouve. avec ce petit doublé là. Je vais refaire les deux milliers. Ouais, non, c'est pas assez richement. Évidemment que moi je suis content de passer. Attends, depuis que je suis streamer. Ça fait maintenant presque 6 heures que je suis streamer, je suis plein aux as. Du coup, voilà. Déjà d'ailleurs, le prochain stream il sera depuis Malte ou Chypre, je sais plus où c'est le truc. Et voilà quoi, parce que bon, au moment, ça va, les pauvres, ça suffit quoi. Tous les jours tu vas te casser le dos, on va te mettre au boulot dodo. Tu peines à joindre les deux bouts quand ça sont en vacances à Malibu. On va aller faire des barbecues sur le parking. Ah, je vais refaire. L'argent de Twitch, ça courant avait tellement. Et vite en plus, et puis les sponsors qui tombent, et puis enfin, on ne sait plus où donner de la tête, les conventions, tout ça quoi. Tous les jours, tu vas te casser le dos, on va te mettre au boulot dodo. Tu peines à joindre les deux bouts quand sont en vacances à Malibu. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine. On va chier sur le capot de leur limousine. Hop là, voyons voir ce que ça donne. Tu rends pas trop là. Tous les jours tu vas te casser le dos, on va te mettre au boulot dodo. Tu peines à joindre les deux bouts quand te sont en vacances à Malibu. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine. On va chier sur le capot de leur limousine. On va voir. Je vais refaire celui-là, je vais l'écouter une fois pour voir comment comment il est foutu. Parce que celui-là est un peu plus chaud quoi. Alors. À Malibu, on va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine, on va chier sur le parking de l'usine. Et comment ça va vite, j'ai pas mal de contrats à te faire signer. T'es mon manager. Ouais d'ailleurs, mais je sais pas si je dois te garder comme manager parce que il y a les thunes qui rentrent mais pas assez de thunes quoi. Moi je veux de la moula quoi. Sur le parking. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine. Sur le parking de l'usine. Dans sa Malibu. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine. On va chier sur le capot de. Qu'est-ce que ça donne? Dans sa Malibu. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'usine. On va chier sur le capot de leur limousine. On va voir. J'ai pas changé, si j'avais changé pourtant. Ah, peut-être que j'ai pas mis enregistré. Je suis fort désolé. Croyez-le bien. Information de la diffusion. Information de la diffusion. Hop, on va mettre pilote épisode 2. Parce que ça reste un pilote. Hein. Voilà, on a tenté les trucs. Information sustrait. C'est bon là, non, je crois. Nickel, merci beaucoup Gwen. Hop, hop, hop, je me remets bien comme il faut. Parce que c'est un pilote, voilà. On réessaye de faire un truc en 3 heures. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas mal. Il nous reste 42 minutes. On arrive tranquillement à la fin de du morceau. Clac. On se l'écouterait pas d'ailleurs à l'entier ce morceau une fois. Et je vous rappelle qu'à la fin il nous faut la petite voix. Alors, puisque évidemment Chéri Crime l'a réclamé et je l'ai vu passer un petit peu, on va faire un petit gobelin quelque part. Faites-moi une liste, dites-moi ce que vous voulez que le gobelin dise. On a dit d'Ariette que Oli et Emma veulent signer de sponsor avec lui et NordVPN aussi. Oh, Emma, je veux bien, mon matelas il est pourri, je veux bien un nouveau matelas moi. Emma, venez là, filez-moi des matelas. De ouf là, apparemment à mémoire de forme et je sais pas quoi là. Éventré. Macron éventré. Wow, j'aurai des problèmes avec ça. On se l'écoute une fois et puis on réfléchit à la on va faire une piste de pop pop pop. Enfin bon ça plus rien pas plus que punk. Allez, on écoute ça une fois entière. Barbecue sur le parking de l'usine. On va chier sur le capot de leur limousine. On va boire le bac de bière en le jetant des énormes bières. Ils mouillent rien à table aux larmes de l'aise. Ils remplissent leur piscine à la sueur de nos fronts. Le sang des ouvriers coule dans la flûte de champagne du grand patronat. Ils mouillent rien à table aux larmes de l'aise. Ils remplissent leur piscine à la sueur de nos fronts. Ah bah attendez mec. qu'à passer ses fers là. Grève, grève générale. Allez, on ferme toutes les usines. Allez, Roger, Roger, tu ramènes la C3 et on les fait péter. Explosion. Voilà! Et je crois qu'on est sur un Badoum 03 réussi, de toute façon. On va quand même en faire deux autres la semaine prochaine pour être sûr. Mais je crois que Badoum 06 va se transformer en Badoum 03. Ça veut dire deux morceaux par semaine. C'est un manga. J'ai vu que ça, j'ai immonde, par contre, il y a beaucoup trop de trucs. T'as combien de temps de morceaux? J'ai 1 minute 50, comme ça. Bon, ça va. Ça va, je trouve. Sachant que là la contrainte, le sans percussion, c'est chaud, quoi. C'est Joule. Pourquoi Joule? Après, tu fais toujours 6 heures par semaine. Ouais, ouais, je fais toujours 6 heures par semaine, mais pour le coup, on va faire deux morceaux plutôt qu'un. Ben, belle intro du morceau. On va se faire des... Répapap. Est-ce que vous avez réfléchi à votre... gobelin? Avez-vous réfléchi à votre gobelin? Deux morceaux par semaine. Je suis complètement perdu par ce que vous dites. Je crois qu'il y a quelque chose comme 8 secondes de décalage entre ce que moi je dis et ce que vous entendez. Et combien de temps de morceaux? J'ai 1 minute 50. Banger, très bien. C'est Joule. Les deux morceaux par semaine. D'accord, deux morceaux par semaine, c'est Joule, effectivement. Macron démission, ok. Macron démission, c'est bien, effectivement. Hop, je copie-colle tout ça. Passe les merguez, Michel. Explosion. Alors, hop. Passe les merguez, Michel. Explosion. Par contre, je sais pas à quel point ça va passer avec la voix du gnome, quoi. Ça me fait un peu peur. Hop. Te partir sur deux, si un jour tu fais un plus complexe, tu prends deux streams pour le faire. Ouais, le problème c'est qu'avant chaque stream, je sais pas si ça va prendre plus de temps ou pas. Et puis bon, si on part sur 3 heures, on part sur 3 heures, quoi. Tant pis si c'est pas parfait. Je vote pour passer les merguez, Michel. De toute façon, on va tout mettre, hein. Là, on a toute la chanson pour causer des trucs. Macron démission, passe les merguez, Michel, explosion. Éventré, t'as pas dit éventré, chéri crime, tout à l'heure? Est-ce que tu le veux, ton éventré? Je pensais pas dire cette phrase un jour. Et je pensais pas dire cette phrase un jour, en vrai. Jules aurait fait 8 morceaux en 6 heures, c'est pas faux. Mais lui, en temps de jouer, il a moins de contraintes. Il s'impose moins de contraintes que nous. Éventré. Éventré va devenir le running guy. Écoute. Deuxième stream, on a déjà un running gag. Moi, je trouve qu'on est pas mal. Je trouve que c'est cool. Falloir qu'elle ait ventré dans tous les morceaux du coup. Putain, j'espère pas parce qu'il y a des contraintes. C'est chaud quand même. Et même le gobelin, je suis pas sûr qu'on puisse le caler partout. Là, je vais lui mettre. Bah, attends, ça va être cet effet là, hein, je pense. Et voilà, on va faire ça. Brapa, Macron démission. Alors si je fais un brapa plus gobelin, ça va. Brapa Macron parce que Marcus Michel explosion. On a déjà un loch, ouais. Allez, de l'eau, super. Vraiment que je pense à bien me chauffer la voix quand même avant tout. Avoir rigué un gobelin, c'est chaud. On peut faire un gobelin qui roule l'air, quoi. Macron démission! Passe les merguez, Michel! Non, ça marche pas. Ça marche moyen. Parce qu'il faut que ça reste ska punk quand même. C'est pas reggae, c'est vrai qu'il y a ce truc un peu reggae dans le truc, mais c'est quand même ska punk à la base, quoi. Tu sais, on va le faire une fois. Tranquille. Bon, je vais enlever cet effet là, c'est un peu chiant. Mais pas celui-là.

qu'à passer ses fers là. Grève, grève générale. Allez, on ferme toutes les usines. Allez, Roger, Roger, tu ramènes la C3 et on les fait péter. Explosion. Je vais être un petit scasca quand même là, avant que ça pète. Non, c'est triste. Ou petit arriba, ouais, petit arriba. Grève, grève générale. Allez, on ferme toutes les usines. Allez, Roger, Roger, tu ramènes la C3 et on les fait péter. Explosion. Arriba. Grève, grève générale. Allez, on ferme toutes les usines. Allez, Roger, Roger, tu ramènes la C3 et on les fait péter. Explosion. Qu'est-ce que vous en disiez? Je crois que j'ai enregistré le à la fin, mais je suis pas sûr. Ouais. J'enlève. Je crois qu'on a notre tube. C'est à moins que quelqu'un ait une idée, une volonté, peut-être tout simplement. On s'écoute une fois, on se laisse la réflexion, il reste 28 minutes. On a le temps de rajouter des conneries encore, hein. Allez, c'est parti, on s'écoute une fois. Barbecue sur le parking de Telzine. On va chier sur le capot de leur limousine. On va boire nos packs de bière en le jetant des énormes bières. Attendez les mecs, qu'à quel passé c'est faire là? Grève! Grève générale! Allez, on ferme toutes les usines! Allez, Roger! Roger, tu ramènes la C3 et on les fait péter! Explosion! Ça manque d'un solo de trompette quelque part. Ouais, c'est possible. Est-ce qu'à la fin, là, sur cette partie-là... je vire cette trompette-là. Et je tente un truc. On l'entend pas, le passe Merguez Michel. Ouais, je sais, il est où, il est... Merde, il est où, il est où, il est où, il est où, il est où, il est où, il est où. Je crois que c'est ça, je crois. Merguez Michel. Ouais, passe les gargas, Michel! Comme ça, ça te... Il faut savoir qu'il est là, quoi. Il faut savoir qu'il est là, mais on l'entend, quoi. Après, c'est yes. Allez, Roger, surchargé. Roger, tu ramènes la C3 et on les fait péter. Explosion. Ah, L'explosion, je vais le virer en fait, parce que je crois que j'ai déjà une explosion quelque part. Capitaliste! Ah. Je mets l'explosion à la place. Poil après, peut-être. Juste une. Un chouïa. Hop. Celui-là, il est magnifique. Gobelin. Ah merde. Le gobelin tueur en série de gauche. J'aime beaucoup celui-là aussi. Il va falloir que quelqu'un des design le gobelin pour offrir la mascotte. Ouais. Alors, comptez pas sur moi. Autant ça va, autant tout ce qui est dessin, c'est niette. Mais moi, j'imagine le. Tout le monde a vu le Seigneur des Anneaux, évidemment. C'est un prérequis pour accéder à cette chaîne. Il y en a un, quand ils veulent bouffer les Hobbits, Merry et Pippin. Il y a le grand qui parle comme ça. Et Ned qui parle comme ça! On peut croquer les gens, mais ils n'en ont pas besoin! Bon, c'est à lui que je pense quand je le fais. Voilà. Si jamais quelqu'un veut dessiner un truc et que qu'il ou elle veut une ref, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dit qu'on voulait faire? Le petit moche qui veut le bouffer. Exactement. Exactement, c'est lui que je pense. Merde. Ah, il est un solo de trompette. Solo de trompette. Trompette, c'est celle-là. Et sur la toute dernière moitié, la toute fin. Hop, on va mettre un petit boost de volume. Tac. Je pensais à lui. Quand on y pense, c'est à l'inverse d'un gobelin, du coup, c'est drôle. Capitaliste, oh, on sait pas. Tu sais, selon les trucs, les gobelins, c'est souvent des exploités. Hein. Gobelins, les orques, tout ça, c'est souvent des. Finalement, des. Quand tu vois de leur point de vue. En fait, même, je crois que même dans le Seigneur des Anneaux, dans le lore du Seigneur des Anneaux, ils sont corrompus par Sauron, tout ça, mais dès que Sauron meurt, en fait, je crois qu'ils vont travailler, que dans le lore, en fait, ils sont méga exploités après parce que c'est des gros parias, tout ça. Et en fait, c'est des gros exploités, les orques et tout, dans le Seigneur des Anneaux. C'est juste qu'ils sont méga corrompus par le pouvoir de Sauron, parce que c'est des êtres faibles, tout ça. C'est des animaux sociaux, si je puis dire, m'exprimer ainsi. Donc, finalement, c'est pas si con de se dire que, voilà, ils sont juste fait avoir par Sauron, qui leur promettait monts et merveilles, alors que les autres leur chiaient dessus, finalement. Hein, les hommes et les elfes, là, c'est pas de droite, les elfes peut-être, avec leurs beaux cheveux tout lisses et tout propres tout le temps, là. Merde. Hein, les Gollas, là. Bref, solo de trompette, on a dit. Oui, je dis ça, là, car dans beaucoup, c'est vénal comme des nains. Ouais, les nains, c'est de droite. Les nains, c'est des bofs de droite. Dans les films Seigneur des Anneaux, c'est des bofs de droite. Dans Seigneur des Anneaux tout court, c'est juste, ils sont juste de droite. C'est moins des bofs, apparemment. Solo de trompette. Je suis. Ouah, tout ce qui est clavier, moyen quoi. J'apprécie les conversations Lord of the Ring, hein, mais il reste 20 minutes pour la trompette. Ouah, 20 minutes pour la trompette, ça va! Ça va! Tu t'es encore plus stressé que moi, j'ai l'impression, chérie Crime. Trompette, c'est que moi, je sais pas faire trompette, de toute façon, ni trompette ni clavier, donc on va faire un truc, mais je sais pas trop quel genre. Je fais juste un poète. À trompette, je vais. Est-ce que je peux mettre plus fort parce que c'est. Non, je vais juste compresser et ça va très bien faire l'affaire. Les comptes à rebours, ça m'angoisse. t'inquiète, moi je trouve qu'on est quand même un peu large hein, en vrai. Parce que autant l'autre, effectivement, on était très très limite. Autant là. Hop, je vais enlever l'automation, supprimer enveloppe, voilà. Je vais lui. Voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis. Alors, je vous montre. J'ai mis un compresseur ici, c'est-à-dire qu'il va prendre le signal audio qui fait. Donc, c'est des vagues. Et il va compresser les vagues en termes de volume pour que les volumes les plus bas se rapprochent des volumes les plus hauts. Donc là, je l'ai compressé bien comme il faut parce que sinon, j'étais à ma limite. Je commençais à être à ma limite de volume. À plus 6, on ne peut pas aller plus haut. Et donc là, j'ai bien compressé et du coup, je suis en train de redescendre le volume de la piste entière pour arriver à un niveau plus ou moins équivalent à tout à l'heure. Et comme ça, je vais pouvoir monter un peu pour le solo. Et on va tenter faire ça vite. Ouais, là, je cherche les notes, hein. Parce que bon, faut pas écouter non plus. Hop, on va. Ah. Ah, c'est bien ça. Mais non. Qu'est-ce que c'est cette histoire alors je suis quoi? Je suis en ré dièse, ouais, d'accord. Donc ré dièse, ça donne 1, 2, 3, 4. On va faire un truc méga simple comme ça, je pense. Hein. Hop. Non, c'est pas très bien, hein. Non, c'est pas très bien. Ça. Pas convaincu, mais. Et je vais voir. Normalement, il y a moyen de. Ouais, si j'appuie sur ça, supervision, voilà. Alors là, j'étais à. Si je fais ça en plus, hop, je note. Il y a moyen que d'avoir un truc comme ça. Hop, on va effacer ce qu'on a fait. Simplement. Hop, hop. Ils vont pas être là. Qu'est-ce que ça donne? Bon, après, je peux toujours toucher un peu à la souris, c'est l'avantage. J'ai un F. Non, j'ai pas de fin. C'est complètement dissonant. Pourquoi c'est dissonant comme ça? C'est pas à fond. Là, ce que je fais, c'est complètement tricher, attention, hein. Ça, normalement, un vrai musicien, il fait pas ça, hein. Si, si, c'est fort, mais là, c'est parce qu'on bosse dessus. Mais je vais le baisser, t'inquiète pas. Là plutôt. Hop, je vais le baisser parce que c'est vrai qu'il prend la tête. Si je fais ça. Comme ça, c'est mieux. Si je vous mets toutes ces parties. Moi, je trouve que c'est pas mal. Gwen, toi qui voulais un solo de trompette, bon, je vais pas faire mieux, je te préviens tout de suite. Est-ce que ça te plaît? Comme ça, ça, je trouve que ça finit bien quand même. Negu, tu viens d'arriver, on a, par les contraintes, sans percussion et pantalon tartare et capsule, on est parti sur du ska-punk. Et donc du ska-punk sans percussion. Ce qui est un peu compliqué. Mais on a réussi à faire un truc pas trop mal en mode mode bon revendication très Tagada Jones sur la voix. Alors Tagada Jones c'est presque plus du, je sais pas si y a la partie ska, c'est plus punk que ska, mais avec les trompettes du coup ça fait du ska punk. Et puis il y a la guitare qui est un peu plus ska que les Tagada Jones. On s'écoute ça une fois en entier et bah, si vous avez des idées, on a 10 minutes. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas à partager vos idées, hein. On est là pour faire ça ensemble. Hein. Et voilà, on écoute ça, allez. Ils mouillent derrière, dans nos larmes de détresse. Ils remplissent leur piscine à la sueur de nos fronts. dos. On va se mettre au bout le dodo. Tu peines à joindre les deux bouts quand te sont en vacances à Malibu. On va aller faire des barbecues sur le parking de l'île. On va chier sur le capot de leur limousine. On va boire nos packs de bière en le jetant des énormes bières. Attendez les mecs, qu'a qu'à passer ses fers là. Grève, grève générale. Allez, on ferme toutes les usines. Allez, Roger, Roger, tu ramènes la C3 et on les fait péter. Explosion. Voilà! Qu'est-ce que vous en disez? C'est pas mal, je trouve que la fin un peu explosive comme ça, c'est pas mal. Ah bah attendez les mecs, qu'a passé ses fers là! Grève! Grève générale! Allez, on ferme toutes les usines! Allez, Roger! Roger, tu ramènes la C3 et on les fait péter! Explosion! Qu'est-ce que ça dit? C'est pas mal. C'est pas mal, on va enregistrer. Oui, dans quel nom cette chanson? Gouin, est-ce que t'as un clair de génie comme l'année dernière? Allez, un nom de chanson, il nous faut un nom de chanson. Parti sur le grand patronat, explosion, passe les merguez Michel. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous proposez? Gna gna, limousine, yacht, nos larmes de détresse, la flûte, babanoche, libertad, explosion. Explosion, c'est le nom du nom de la chanson. Grand patronat. Un grand patronat. Passe les merguez, Michel. Après le bruit de tes cloches, passe les merguez Michel. C'était ça, mes chéris crimes, l'éclair génie. Oui, mais c'était toi qui avais eu l'éclair de génie de mettre ça en nom de chanson. Passe les merguez Michel. Pas mal. Parce que je crois qu'il y a la fin. Que je le retrouve. Ça, c'est les voix ici. Ici. Peut-être. Ça fait le droit de grand patronat. Plus somme pour les merguez. Explosion du grand patronat. Merguez tapot. Ça me fait rire, voilà, je voulais juste remettre ce truc-là parce que ça me fait beaucoup rire. Roger, ça c'est 3. Ouais, c'est 3, on dirait qu'on part sur quand même autre chose, quoi. Les merguez de Michel. Ou juste, passe les merguez tout court. Passe-moi les merguez. Non, passe-moi les merguez, c'est pas mal. Parce que passe les merguez Michel, j'ai peur que ce soit un peu long. Passe-moi les merguez. Qu'est-ce que vous dites de passe-moi les merguez? Ou fais péter les merguez. Merguez révolutionnaire. Fais péter les merguez. Qu'est-ce que vous en dites? Faites péter les merguez. Faites péter les merguez explosion. Merguez explosion. Après le son de Tébou, le merguez de Michel, ouais. Merguez explosion, qu'est-ce que vous en dites? Bon, j'aime bien. Moi, je partirais sur merguez explosion. Mais. Vous me dites ce que vous en pensez. Il reste 4 minutes, ça va. Yes. Négou, c'est pour le merguez explosion que tu dis oui. Merguez explosion, c'est parti, qu'elle dit chéri crime. Le ha ha ha de Gouin, c'était pour ça. Allez, on va partir sur merguez explosion. Où est-ce que je suis? Moi, je suis ici. Hop, fichier, sauver cette live sous. Badoum, blablabla. Il est où l'autre? Moi, je vais mettre là. Bon, dans Badoum 06, je le mets. Ouais, le bruit de cloche, voilà. Plus simple pour merguez explosion. Ah, je me plante de clavier! Merguez explosion. Voilà! On est pas mal, on se l'a fait une dernière fois? Avant deux? Allez, on se l'a fait une dernière fois, si ça vous va. Il reste 3 minutes, de toute façon, voilà quoi, on va faire quelque chose. Sur le parking de l'île, on va chier sur le capot de leur limousine. On va boire nos packs de bière en le jetant des énormes bières. Qu'un passé sait faire là, grève, grève générale, allez on ferme toutes les usines, allez Roger, Roger tu ramènes la C3 et on les fait péter, explosion. Voilà! On est pas mal! Un peu de musique pour finir! Il reste une minute. Bon, on va laisser le compteur aller jusqu'en bas. Parce qu'on l'a jamais fait encore, donc je suis curieux de voir ce qui va se passer. Ça va? Vous êtes content? Vous êtes content d'avoir participé à ce truc? Comment ça, re? T'étais parti, Seb? T'es revenu pour un morceau sans percu, c'est cool, Milieshker. Voilà, mais la technique c'était déjà dans Foot Partout, au point qu'on se rend même plus compte qu'il y a pas de batterie. Et surtout de foutre de la rythmique partout, quoi. Parce que du coup, on a guitare qui fait rythmique, la basse qui est très dans un rythme aussi. Merguez Explosion, ouais, on a choisi Merguez Explosion. On a des trompettes qui font le rythme, on a un accordéon qui s'entend plus trop mais qui est là quelque part, qui fait bien le rythme, et du coup qu'on a quand même, on savait pas trop mal sorti quoi. Zéro, voilà, on est arrivé à zéro. Bon, il serait passé particulier, c'est pas devenu rouge. Voilà, hop, je remets ça. Bon, je suis content. J'espère que ça vous a plu. On va se quitter là-dessus du coup. Pour rappel, hop. Ah, je suis pas du tout sur le chat. Tous mes liens sont là. Vous pouvez aussi tout retrouver sur la page d'accueil quoi de Ilargui. Il y a les rediffs sur YouTube, il y a les rediffs sur Spotify, il y a les chansons qui vont arriver sur Spotify bientôt. La première chanson elle est déjà sur YouTube et ça va arriver sur les autres plateformes très bientôt. Et voilà, et du coup bah, je pense qu'on va rester sur un Badoum 03 plutôt qu'un Badoum 06. Je pensais pas qu'on allait réussir à faire des trucs aussi longs et avec quelques variations quand même en 3 heures. Mais écoutez, de toute façon, le but c'est pas du tout que ce soit parfait, c'est juste qu'on s'amuse à faire des trucs, qu'on tente des choses. Donc voilà, je pense que la semaine prochaine, quand même, on va quand même continuer à tester Badoum 03. Et si la semaine prochaine, les deux la semaine prochaine, c'est validé, ben c'est parti, on va partir sur les Badoum 03 tout le temps. Et voilà pour cette petite merguez explosion et je vous dis moi du coup à lundi prochain pour Badoum 01. Ouais, un jour on pourra se tenter Badoum 01, mais peut-être pas avec ces contraintes là quoi, parce que là au bout d'une heure on commençait à peine à s'imaginer ce qu'on aurait pu faire quoi. Et voilà, donc on va se quitter là-dessus. Je mets ça en replay cet après-midi sur YouTube, tout ça. Et je vous remercie à toutes et tous d'être présents. Là, on est 6 pour l'instant, c'est cool. Tranquillou comme ça. Et on se retrouve lundi. Du coup, voilà. Merci beaucoup, Deisuke, à lundi. Merci pour le divertissement pendant ces 3h, 3h et demie même, le temps de. Des zombies, bye bye, belle journée. Merci beaucoup à tout le monde. Et on se retrouve lundi. Et voilà, abonnez-vous, Instagram, tout ça. À lundi, tout le monde. Salut!